parents pour t'accueillir. Un nouveau départ que tu n'as pas choisi. Tu as tant espéré, mais tu t'es gâché. Tu vas regretter tout ce qui est passé. Un nouveau départ que tu ne comprends pas. Un nouveau départ que tu n'aimes pas. Tu voudrais attendre, attendre pour toi. Puis tu réalises que tu n'as pas le choix.